mande tout moun a kita la. Ou plein sensualité kon melodi a gita la. On veut ba ou tche yon mwen. Et puis voilà, mwen waye vou ren kon simba et pina la. Laisse mwen fè volonté ya ou. Si yon te ni courage de vino pre ya ou. On te di ou de l'essence wanye plein ya ou. On te di ou an vine se para passe me yon si kan la. Esou, esou, esou. Savez que vous faites pour moi, qu'en faites pour, faites pour, faites pour. Est-ce où, est-ce où, est-ce où? Savez que vous faites pour moi, qu'en faites pour, faites pour, faites pour. Jean ou c'est Jean, moi doudou, ça trop logique. En cet équipe, moi y'a vers nous, ni même si astrologique. En cet e-book, c'est un con loïc. Baby, nous pas j'ai si mode économique. Mwen an lan ka veye wan bie. Paske an pa kapab de gade wan zye. An te ke vil konpon ge se vou an vle. Ou pa te lay tout a kou. An ka vre ou tout patou. Esou, esou, esou. Save ke ou fet pou mwen. Ke an fet pou, fet pou, fet pou. Esou, esou, esou. Save ke ou fet pou mwen. Ke an fet pou, fet pou. Qui côté ou carrete y avec qui know how? En cas poser question parce moi envie connaître qui voilà ou princesse. Pourquoi ou comme marcher sans couronne now? C'est moi qui faut. En Kevin dit on les douvent how? Si fait pas filmer y a ou la ca un témoin. Nous pas connaître nous, mais ou qu'a manqué moi y a qu'attend vous. Car dis moi vie n'en va moi. J'ai qu'à imaginer ou qu'à flopper moi. Et puis un jour, qu'est-ce qu'on a demandé moi pour nous faire l'amour. On soit assis en bord de la mer. Est-ce où, est-ce où, est-ce où? Savez que vous faites pour moi. Qu'en faites pour, faites pour, faites pour. Est-ce où, est-ce où, est-ce où? Savez que vous faites pour moi. Qu'en faites pour, faites pour, faites pour.